Section 15 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 15. La convalescence. Pendant les 2 mois qui suivirent les événements rapportés au chapitre précédent, la bête du Gévaudan ne discontinua pas ses ravages, bien qu'elle eût changé le lieu de la scène. Elle avait abandonné les bois de Mercoire. Les accidents, les désastres se multipliaient maintenant dans les contrées voisines. Mais il semblait que le monstre, rendu plus prudent par l'expérience, n'osât résider longtemps nulle part, et qu'il fût sans cesse en mouvement pour dépister les poursuites. On apprenait que, le matin, il avait jeté la terreur dans un village du Rouergue, et le soir même, il dévorait quelques femmes ou quelques enfants dans un hameau de l'Auvergne, à 15 ou 20 lieues de là. Les récits qui avaient cours sur ces affreux exploits étaient bien de nature à frapper d'épouvante, même quand ces récits étaient dépouillés de l'exagération ordinaire. Une fois, 5 pauvres enfants de la paroisse de Chanaleil, gardant un troupeau dans les montagnes, s'étaient vus attaquer tout à coup par l'animal féroce. Il emportait déjà le plus jeune, quand les autres, armés de bâtons et dirigés par le petit Portefaix, l'un d'eux, résolurent de délivrer leur compagnon. Ils poursuivirent le loup, le tourmentèrent si bien qu'il finit par lâcher sa proie et par rentrer dans la forêt voisine. On racontait aussi l'histoire d'une femme du Rouget, nommée Jeanne Chastan. Étant sur sa porte avec ses 3 enfants, Jeanne avait eu à soutenir une lutte acharnée contre la bête du Gévaudan, qui tentait d'emporter tour à tour chacun de ses pauvres petits. La mère, furieuse, se jeta sur le loup, le pinça, lutta contre lui et parvint, malgré les morsures qu'elle avait reçues elle-même, à le mettre en fuite. Mais cette victoire lui coûta cher. Un de ses fils, le plus jeune et sans doute le plus aimé, était mort quand on vint au secours de la malheureuse famille. Dans toutes ces relations des méfaits de la bête, on ne parlait pas de Jeannot Grandedent. Peut-être le lycanthrope s'était-il trouvé dans l'impuissance de suivre son infatigable compagnon. Peut-être une querelle était-elle survenue entre eux. Peut-être enfin, Jeannot avait-il compris, malgré le dérangement de son intelligence, le danger d'une association pareille. Cependant, le petit nombre de personnes qui avaient connaissance des événements de Mercoire croyait voir dans certaines aventures de la bête du Gévaudan la complicité d'une créature humaine. Et la manière dont la bête avait échappé plusieurs fois aux poursuites pouvait bien confirmer cette opinion. Le désespoir des provinces, exposées à ces ravages, se trouvait donc au comble. Depuis la battue infructueuse, commandée par le baron de La Roche-Boisseau, les battues et les chasses s'étaient succédées sans interruption, tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Souvent, 20 ou 30 paroisses se réunissaient pour investir le canton où l'on savait que le loup s'était réfugié. Les plus habiles veneurs du royaume accouraient pour porter secours aux malheureux habitants du Gévaudan. Le roi lui-même avait envoyé dans le pays le baron d'Enneval, gentilhomme normand, qui passait pour le premier louvetier de France. On se levait en masse contre l'ennemi commun. Une fois, un corps de 20 000 chasseurs. Note. Nous n'exagérons pas, tous ces détails sont historiques, on peut les vérifier dans les mémoires du temps. Fin de la note. Vint entourer le bois de Prunières où il s'était établi. Cette espèce d'armée ne réussit pas mieux que les troupes moins nombreuses qui l'avaient précédée. Le loup échappait toujours avec un bonheur infernal. À différentes reprises, on avait cru le tenir enfermé dans une enceinte étroite que cernaient d'excellents tireurs. Toujours, il avait disparu comme s'il se fût changé en fumée. Les chiens refusaient de donner sur lui et s'enfuyaient en hurlant dès qu'ils l'apercevaient. Certains chasseurs assuraient que leurs balles de plomb avaient rebondi sur son corps et étaient tombées aplaties. D'autres, qu'il avait tiré presque à bout portant avec des pièces d'argent repliées, affirmaient l'avoir mortellement blessé et montraient les traces de son sang. Malgré cela, 2 ou 3 jours après, on apprenait qu'il était miraculeusement guéri de sa blessure et qu'il avait encore dévoré quelques victimes. Le découragement devenait général. Les plus sceptiques finissaient par croire à la magie, au sortilège. On faisait des neuvaines, des processions. D'après un mandement de l'évêque de Mende, le Saint-Sacrement demeurait exposé dans toutes les églises du Gévaudan, comme au temps des pestes et des calamités publiques. Les populations en détresse, sans négliger aucun moyen humain d'arrêter le fléau, ne semblaient plus avoir d'espoir qu'en Dieu. Tel était l'état des choses au moment où nous ramenons le lecteur à Langogne, dans l'auberge de la veuve Richard, où l'on avait transporté la roche-boisseau dès que l'état de sa blessure l'avait permis. Cette blessure, en effet, malgré les prévisions fâcheuses du chirurgien, s'était promptement cicatrisée, et le baron, sentant combien sa position était fausse chez mademoiselle de Barjac, avait eu hâte de quitter le château. Du reste, il en était parti avec tous les honneurs de la guerre. Comme il montait en litière, la châtelaine, assistée de sœur Magloire et de ses principaux domestiques, était venue en grande cérémonie lui faire la révérence et lui souhaiter un heureux voyage. Maniaque l'avait accompagné à cheval jusqu'aux limites du domaine, où, malgré quelques paroles à voix basse échangées entre eux, on s'était séparé avec les apparences d'une cordialité réciproque. À partir de ce jour, la Roche-Boisseau avait donc résidé à Langogne. Et grâce aux soins combinés de l'active Richard, de Labranche, son piqueur et son valet de chambre, enfin de son ami et créancier Legris, il s'était trouvé bientôt en convalescence. À la vérité, Legris avait dû s'absenter plusieurs fois pour aller voir son père, qui habitait une ville peu éloignée. Mais il ne tardait pas à revenir auprès du baron, et leur intimité semblait plus grande encore que par le passé. Peut-être le désir de hanter les nobles campagnards, qui se réunissaient autour du blessé, afin de l'aider à supporter les ennuis de la retraite, était-il la cause principale de cette assiduité. L'auberge de Madame Richard semblait être maintenant un lieu de fête et de plaisir. On y buvait, on y riait, on y jouait sans cesse. Et le jeune plébéien devait saisir avec empressement cette occasion de se glisser dans la haute compagnie. Un matin, Legris entra dans la chambre que le baron occupait au premier étage de l'auberge. Le zèle ingénieux de Madame Richard avait réuni là tout le confort désirable. De doubles rideaux garnissaient les fenêtres, le plancher était couvert d'un tapis, un paravent protégé contre les vents coulis de la porte, et comme on était à la fin de l'automne, un bon feu de châtaignier pétillait dans la cheminée. La Roche-Boisseau, revêtue d'une magnifique robe de chambre, fraîchement rasée et poudrée, paraissait tout à fait remis de sa blessure, sauf une légère pâleur, à peine sensible sur ses traits mâles. Il était en train de compter des nombreuses pièces d'or étalées sur la table, ce qui ne l'empêchait pas d'écouter Madame Richard, qui, debout devant lui, toujours fraîche et riante, l'amusait de son bavardage. « Enchanté de vous voir sur pied, mon cher baron !» dit Legris avec gaieté. « Morbleu, cela réjouit l'âme, après tous les chagrins que vous nous avez causés !»« Merci, Legris !» répliqua la Roche-Boisseau, en alignant toujours ses pièces d'or. « Oui, cela ne va pas mal ce matin. Je ne m'y suis jamais senti si joyeux et si dispos. » « Je comprends, » reprit Legris en clignant des yeux, « que votre occupation présente vous donne des idées couleur de rose. »« Bon, qu'est-ce que 300 ou 400 misérables louis que j'ai gagnés ces temps-ci au marquis de Castillac et à Vaupillère ? Il faut bien que ma convalescence me rapporte quelque chose. Mais vous savez, Legris, que je suis un bourreau d'argent, je n'irai pas loin avec cela. » Et il laissa tomber l'or dans un tiroir en cascade brillante. « À propos, Madame Richard, » continua-t-il en s'adressant à l'hôtesse, « cet homme de Mercoire, ce Fargeau, qui vient chaque semaine s'informer de mes nouvelles de la part de Mademoiselle de Barjac, est-il arrivé ?»« Pas encore, monsieur le baron, mais il ne peut tarder, car c'est son jour. »« Ma foi, » poursuivit la jolie veuve d'un air malin, « il faut que vous ayez laissé là-bas des souvenirs bien vifs. Il ne se passe pas de semaine que l'on envoie un exprès de Mercoire pour savoir comment vous vous portez. Ce sont des questions infinies sur votre santé, sur vos actions. » On va jusqu'à s'enquérir avec soin de M. Legris lui-même, ce qui doit le flatter grandement, ce me semble. » Cette observation fut accueillie par un sourire équivoque du baron et par une grimace de Legris. « En effet, » répliqua la Roche-Boisseau, « nous avons des amis de ce côté. Mais l'amitié est si fragile, Madame Richard. Enfin, quand Fargeau arrivera, prévenez-nous aussitôt, on a besoin de lui parler. » « Il suffit. Monsieur le baron souhaite-t-il encore quelque chose ?»« Certainement, ma chère, » répondit la Roche-Boisseau. Il se tourna prestement et appliqua deux gros baisers sur les joues rebondies de l'hôtesse. « Voilà, » dit-il. « Et maintenant, songez à mon déjeuner. Du Saint-Péret et une omelette aux truites, comme autrefois. » « Décidément, » reprit la veuve en se sauvant, « monsieur le baron est guéri. Il a repris ses habitudes. » Dès que la porte se fut refermée derrière elle, la Roche-Boisseau redevint grave tout à coup. « Asseyez-vous, Legris, » dit-il à son confident, en lui montrant un siège. « Hier au soir, quand vous êtes arrivé de la ville, j'achevais de donner une leçon à ces jeunes campagnards qui osent me défier au jeu, mais je n'ai pu causer encore avec vous. Cependant, vous devez avoir beaucoup de choses à me dire. Eh bien, quelle nouvelle de votre père, cet intraitable Crésus ? Me soutiendra-t-il de sa bourse dans le nouveau procès que je vais entamer contre l'abbaye de Frontenac, au sujet des domaines de Varinas ? À dire vrai, mon cher baron, le vieux hésite encore. Vous lui devez tant d'argent. D'autre part, ces moines de Frontenac sont fort puissants, et l'on craint de s'attaquer à eux. Toutefois, je finirai peut-être par arranger l'affaire à votre satisfaction. Vous n'avez jamais douté de mon amitié et de mon dévouement, j'espère. Mille grâces pour votre amitié, le gris. Mais, de par le diable, votre père ne risquerait pas grand-chose en m'avançant encore quelques milliers de pistoles. Si, comme on peut le prévoir, j'ai des chances de mettre à la raison ces coquins de moines. La terre de Varinas, avec les revenus depuis 16 ans, peut monter, d'après mon calcul, à 500 000 écus. Un beau denier, le gris, et votre père devrait considérer cela. Mais le plus pressé est de nous entendre à tout prix avec Fargeau. Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, que cet homme est dépositaire d'un important secret, touchant la mort de mon jeune cousin de Varinas ? Je vous ai dit, La Roche-Boisseau, ce que je savais sur cette affaire. Mon valet étant à boire, il y a quelque temps, à Cransac, a pris du cabaretier que Fargeau avait jasé pendant son ivresse et qu'il s'était vanté de pouvoir perdre certains personnages haut placés. Il insinuait que vous donneriez gros pour avoir un petit papier qui était en sa possession, car ce papier pourrait vous faire restituer les domaines de Varinas. « Ceci est très clair, » dit le baron d'un air pensif. « Eh bien, le gris, chargez-vous de voir cet homme quand il se présentera tout à l'heure. Vous ne manquez pas de finesse. Encore ce service, et vous ne vous en repentirez pas. Prenez Fargeau à partie, faites-le boire, donnez, promettez. Je mets à votre disposition tout cet or que je viens de gagner. On en trouvera d'autres s'il le faut. Oh, que ne donnerais-je pas pour tenir enfin sous ma main, sous ma botte, ces exécrables frocards. Franchement, baron, la mission ne sera pas des plus faciles. L'ancien garde général, depuis la mort tragique de sa fille, est devenu sombre, taciturne. Il ne boit plus, il ne va plus au cabaret. Mon valet n'a pu lui arracher un mot touchant l'affaire dont il s'agit. Votre valet est un imbécile, et vous un garçon d'esprit, mon cher Legris. Je ne crois pas à ces conversions subites. Grattez l'épiderme du converti, et vous trouverez le chenapan. Qui a bu, boira, dit le proverbe. Voyez-vous-même, je compte sur votre amitié, et vous réussirez, j'en suis sûr. Mais laissons cela. Quelle nouvelle de notre belle amie la châtelaine de Mercoire ? À ma vive satisfaction, on ne connaît pas dans le public le vœu de mademoiselle de Barjac. Vous vous souvenez que le père Bonaventure nous recommanda le secret à tous, afin, disait-il, de diminuer le nombre des prétendants. Ainsi, peu de personnes savent encore quelle magnifique récompense attend le vainqueur de la bête, ou l'on en parle comme d'un bruit vague qui ne mérite aucune croyance. Je ne vois donc guère que 3 ou 4 personnes, parmi lesquelles vous vous comptez naturellement, n'est-il pas vrai, le gris ? Demanda le baron avec un peu d'ironie. En effet, pourquoi ne seriez-vous pas tout comme un autre seigneur de Mercoire ? Votre père vous achèterait une de ces charges qui ennoblissent et que l'on appelle savonnette à vilain. Vous pourriez alors faire souche de gentilhomme, et après 2 ou 3 générations, on ne soupçonnerait plus que vous étiez le fils d'un simple procureur. Cependant, ne vous montez pas trop la tête, mon pauvre Legris, car il se présentera certainement des concurrents redoutables pour vous disputer la main de la demoiselle. Il est vrai, baron, et sans vous compter, vous qui auriez tant de chances de succès, on assure qu'une de nos connaissances se met sur les rangs. Il s'agit d'un jeune cadet que nous avions tout au plus jugé capable de soupirer aux nuages et de débiter des maximes de morale. « Bon, vous voulez parler de l'agneau des révérends pères, » répliqua La Roche-Boisseau avec amertume. « Du diable si je ne le crois pas capable d'autre chose. Le jeune drôle ne manque ni d'énergie ni de courage, et s'il venait à rompre ses lisières. Ainsi donc, monsieur Léon s'aime aussi mademoiselle de Barjac. Je l'avais deviné dès le premier moment. » On prétend qu'il bouleverse tout là-bas, à l'abbaye de Frontenac, où il est retourné avec son oncle le prieur. Il a maintenant chiens et chevaux, on vient d'acheter pour lui les plus belles armes de Liège et de Saint-Étienne. Il s'exerce constamment, afin de devenir un tireur de premier ordre. Il s'est attaché à un ancien piqueur de la vénerie royale, dont on dit des merveilles, et ils courent les bois ensemble, soit à pied, soit à cheval. Les moines ne lui refusent rien, et fournissent complaisamment à ses dépenses. Malgré cela, je doute fort que M. Léonce parvienne jamais à son but. « Qui sait ?» dit La Roche-Boisseau d'un air soucieux. « Il ne lui faudrait qu'un moment de bonheur. Mais quand ce veneur novice pourra entrer en campagne, la bête sera morte depuis longtemps. Nous y pourvoirons, à moins que ce louvetier de Paris, qui doit nous en remontrer à tous, n'y pourvoie avant nous. « Allons, La Roche-Boisseau, ne pouvez-vous pas pardonner à ce pauvre baron d'Enneval, qui nous est arrivé si confiant en lui-même, si fier de la commission qu'il avait reçue du roi ? Il commence pourtant à reconnaître que la tâche est au-dessus de ses forces. Après 10 chasses formidables, il n'est pas plus avancé que le premier jour. La bête joue avec lui à la cligne-musette. Il court toujours après elle, sans l'atteindre jamais. Denneval est sur les dents. Ses chiens, ses chevaux, ses valets demandent grâce. Il parle de s'en retourner à Paris et de laisser à qui voudra le soin de purger le Gévaudan de cette peste. La Roche-Boisseau fit quelques pas dans la chambre d'un air pensif. « Ce que vous m'apprenez, le gris, reprit-il, confirme une idée qui m'est venue depuis la battue malheureuse que j'ai commandée dans les bois de Mercoire. Ces chasses, à grand bruit, ne réussiront jamais avec un animal aussi défiant et aussi rusé que le loup en question. Elles l'inquiètent et le tiennent constamment en alerte. Il faudrait donc que deux hommes résolus, bons tireurs et pouvant compter l'un sur l'autre, tels que vous et moi par exemple, partissent armés de leurs fusils et suivis de deux ou trois valets sans plus. Il serait inutile de s'embarrasser d'une bande de chiens braillards et poltrons qui se sauvent aussitôt que l'animal s'arrête. J'amènerai seulement avec moi mon limier Badino, afin de pouvoir suivre la piste, et un bon gros chien dogue qu'on lâcherait au moment opportun. Le loup, d'après tous les rapports, est plein de courage. Il ne refuserait pas le combat contre un si petit nombre d'ennemis. Il engagerait bravement la lutte. Et si terrible qu'on le suppose, on pourrait trouver l'occasion d'en finir avec lui. Je sais précisément où me procurer un chien comme je le souhaite. Il en est un qui a déjà gaillardement chargé la bête du Gévaudan. C'est le chien de Jean Godard, maître Bouvier de Mercoire. Jean Godard me le cédera, dussé-je le payer 1000 livres. Ainsi accompagné et équipé, je me mettrai en route dès que les forces me seraient revenues, ce qui ne tardera pas maintenant plus de quelques jours. Eh bien, que dites-vous de mon plan, le gris ? Il est excellent. Il aurait d'autant plus de chances de succès qu'il diffère complètement de ceux qui ont échoué jusqu'ici. Ainsi donc, baron, vous m'associerez à son exécution, au risque de me voir, par pur hasard sans doute, mériter la récompense. Souvenez-vous de nos conventions, chances égales pour vous comme pour moi. Si le sort vous favorise, je serai le premier à vous en féliciter. Si la veine tourne en ma faveur, il vous faudra prendre votre parti en brave. Je vous fais aussi beau jeu qu'à moi-même, le gris. L'amitié la plus exigeante ne saurait demander davantage. C'est vrai, mon cher baron, et je vous en remercie. Mais cette expédition à deux ou trois contre une bête aussi redoutable présentera de grands dangers. Si vous avez peur, dit la Roche-Boisseau d'un ton goguenard, restez à votre coin du feu. Selon toute probabilité, fatigues et dangers ne manqueront pas. Ni les unes ni les autres ne m'effraieraient si j'étais sûr. Quoi que vous en disiez, baron, les chances pour vous et pour moi seront loin d'être égales. Vous êtes un chasseur expérimenté, et je me sens en vénerie, comme en beaucoup d'autres choses, d'une infériorité écrasante auprès de vous. Aussi ne serait-il pas possible qu'après avoir partagé vos travaux et vos périls, je n'eusse aucune part à la récompense ? Cela serait fort possible, en effet, mon pauvre Legris, répondit la Roche-Boisseau avec une bonhomie qui cachait de la malice. Mais que faire à cela ? Je m'engage à vous fournir loyalement l'occasion de gagner la récompense annoncée, tout en m'efforçant de la gagner moi-même. N'attendez rien de plus. Legris ne paraissait pas très satisfait des chances par trop aléatoires qu'on lui laissait dans l'entreprise commune. Il n'avait peut-être qu'une foi douteuse dans la générosité de son ami. Et en fort bon calculateur, il rêvait aux moyens de s'assurer des avantages positifs. Après un moment de réflexion, il s'enhardit et demanda résolument « Voyons, la Roche-Boisseau, expliquons-nous avec franchise. Aimez-vous véritablement mademoiselle de Barjac, qui ne vous aime pas, elle, et qui l'a bien prouvé ?» Les yeux du baron brillèrent d'un éclat inaccoutumé à cette question. Mais se rappelant aussitôt quel intérêt il avait à ménager son confident, il répondit avec un enjouement affecté « Connaissez-vous assez peu les femmes, mon cher Legris, pour croire qu'un pareil acte prouve rigoureusement de l'aversion ? Me connaissez-vous assez peu moi-même pour penser que ce coup de couteau de notre charmante châtelaine ne serait pas plus capable d'irriter ma passion que de l'éteindre ? Mais pourquoi cette question ? Et où voulez-vous en venir ? » À ceci, baron, que le moment est arrivé peut-être de vous demander le prix de mes services passés et de ceux de mon père. Depuis plusieurs années, vous puisez à pleine main dans notre bourse. À l'heure où nous sommes, la vente de toutes vos propriétés patrimoniales pourrait à peine acquitter la moitié de votre dette. Cependant, mon père a une idée très nette de la valeur de l'argent. S'il s'agissait de toute autre personne que de l'ami de son fils, il eût depuis longtemps exigé le paiement de sa créance. Et vous devinez le résultat inévitable de ses poursuites. D'autre part, vous allez entamer un procès contre la plus riche, la plus puissante maison religieuse de la province. Et vous avez besoin d'avances considérables. Eh bien, tout pourra venir à bien si réellement vous n'aimez pas mademoiselle de Barjac. Comment l'entendez-vous, maître Legris ? Écoutez-moi, baron, et je vous en conjure, ne vous offensez pas de mes paroles. Mon père a gagné une grande fortune, n'importe comment, et à l'exemple de beaucoup d'autres bourgeois enrichis, il éprouve l'ambition d'ennoblir sa race, de voir son fils unique devenir gentilhomme. Peut-être, en effet, m'achètera-t-il bientôt une de ces charges dont vous parliez tout à l'heure, et que vous appelez dédaigneusement des savonnettes à vilain. Vous savez pourtant, comme moi, que plusieurs familles, fort honorées aujourd'hui, ont commencé par là. Néanmoins, nos projets d'élévation auraient pu n'avoir qu'une réalisation lente et incertaine, quand le vœu bizarre de la riche héritière de Mercoire est venu les modifier. Mon père a pris feu au premier mot que je lui ai dit de cet événement. Il y voit un moyen sûr et prompt d'arriver au but de nos désirs, et il ferait les plus grands sacrifices, même celui de toute sa fortune qui est immense, pour me voir épouser Mademoiselle de Barjac. Eh bien, mon cher Legris, parvenez à tuer la bête du Gévaudan, et Mademoiselle de Barjac vous appartiendra. Mais je ne puis réussir dans cette entreprise que par votre secours, et votre antagonisme me laisse fort peu d'espérance. Voilà pourquoi je vous adjurais de me dire si vous aimez véritablement la belle châtelaine. Peut-être oui, peut-être non. Encore une fois, que vous importe Legris? Non, vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas aimer une femme qui vous a si cruellement traité, qui a mis votre existence en danger. Elle doit vous mépriser. Vous devez la haïr. Toute union entre vous est absolument impossible. Si vous recherchez sa main avec tant d'ardeur, c'est que vous cédez sans aucun doute à l'une des trois considérations que voici. Ou bien vous voulez vous venger d'elle pour ses dédains et ses violences passées, ou bien vous espérez contrecarrer les projets des moines, qui destinaient leur pupille au neveu du prieur, ou bien enfin, vous n'avez d'autre but que de relever votre fortune en devenant seigneur de Mercoire. Allons, répondez avec votre loyauté ordinaire, La Rocheboisseau. N'ai-je pas deviné juste ? Il y a peut-être du vrai dans vos suppositions, répliqua laconiquement le baron. Je puis donc, reprit Legris avec une animation extraordinaire, vous demander ouvertement certains sacrifices ? Vous allez rentrer, selon toute apparence, dans la possession des domaines de Varinas, beaucoup plus vastes que ceux de Mercoire. Mais pour arracher cette riche proie à ces moines rapaces qui la retiennent depuis tant d'années, vous avez besoin de nouvelles sommes. Or, ces sommes, mon père est encore disposé à vous les avancer. Bien plus, dans le cas où le procès ne réussirait pas, vous le trouveriez très coulant sur le chapitre des anciennes dettes. Il pourrait même aller jusqu'à vous rendre vos titres de propriété. Enfin, on vous donnerait pleine et entière satisfaction sur tous les points. Et que me demanderiez-vous en échange, mon cher Legris ? Peu de choses. Si la bête du Gévaudan venait à tomber sous les coups de l'un de nous deux, ce serait toujours moi qui aurais l'honneur et le profit de cette prouesse. À merveille ! Et si, car il faut tout prévoir, nous ne parvenions à l'abattre ni l'un ni l'autre ? Alors nous vous revaudrions en bons offices vos généreuses intentions. Mais vous ferez nos efforts pour mener à bien cette entreprise, et vous réussirez. Vous auriez trop de déplaisir à voir ce Léonce ou tout autre aventurier dérober la main et les terres de Mademoiselle de Barjac. Oui, nous réussirons. Vous aurez votre patrimoine de La Rocheboisseau et les domaines de Varinas. Moi, j'aurai Mercoire et cette capricieuse demoiselle qui vous déteste. Eh bien, baron, répondez-moi donc. Est-ce ce marché conclu ? La Rocheboisseau, dans sa vie aventureuse et débauchée, avait perdu depuis longtemps cette fleur de délicatesse, ces sentiments de dignité personnelle qui caractérisent alors la partie saine de la noblesse. Cependant, soit qu'en effet il aimât Christine, soit qu'il fût révolté de l'insolence de ce parvenu qui proposait cyniquement un partage, il se redressa tout à coup d'un air menaçant. Il allait éclater peut-être. Quand la porte de la chambre s'entr'ouvrit, une servante annonça que l'homme de Mercoire venait d'arriver et attendait dans la salle basse. Cette nouvelle fit rentrer subitement La Rocheboisseau en lui-même. Domptant sa colère, il reprit avec une bienveillance apparente. « Allons, allons, nous reviendrons sur tout cela. Ne nous hâtons pas de vendre la peau de l'ours. Le plus pressé, mon cher Legris, est de voir Fargeau, de découvrir son secret et d'en tirer bon parti. Jusqu'à ce que nous soyons éclairés sur ce point, nous devons ajourner toute résolution définitive. » Legris craignait d'avoir blessé l'orgueil du gentilhomme. Cette douceur le surprit autant qu'elle le charma. Il se leva précipitamment. « Vous avez raison, reprit-il. Je vais entreprendre ce vieux coquin, et si rusé, si timoré qu'il soit, je saurai bien le mettre à la raison. Mais je serais encore plus sûr du succès, baron, si vous vouliez me promettre. Que puis-je promettre avant d'avoir une donnée certaine relativement au domaine de Varinas ? Apportez-moi de bonnes nouvelles, et nous finirons par nous entendre. Voyons, à l'œuvre, mon cher Legris, il s'agit de gagner vos éperons. » Le Fargeau n'est pas maniable à ce qu'il paraît. Vous n'aurez que plus de mérite à le vaincre. J'aurais bien pu me charger moi-même de cette besogne, poursuivit La Rocheboisseau, mais elle vous convient mieux qu'à moi. Il est des choses que je ne saurais faire malgré tout. » Le gris feignit de ne pas remarquer le mépris à peine dissimulé de son patron pour la mission qu'on lui confiait. La Roche-Boisseau ouvrit le tiroir où il avait serré l'or provenant de ses gains au jeu. « Prenez, dit-il, et n'allez pas, avec votre parcimonie ordinaire, compromettre le résultat de la négociation. Donnez à Fargeot tout ce qu'il demandera. Dussiez-vous dépenser jusqu'à mon dernier louis. Il faut l'éblouir. Promettez, comme si vous aviez à votre disposition les trésors du Pérou. M'avez-vous bien compris ?»« Oui, oui, répliqua le gris en puisant dans le tiroir. Mais je ne désespère pas de réussir sans jeter ainsi l'argent par les fenêtres. Jusqu'à nouvel ordre, vous n'en aurez pas trop, mon cher baron. Allons, je vous quitte, mais je reviendrai bientôt vous annoncer ma victoire. » Il fit un signe encourageant et sortit. Dès que le baron n'entendit plus le bruit de ses pas, il donna cours à des sentiments péniblement refoulés. « L'impudent, le niais, l'effronté » murmura-t-il. « Oser m'adresser une pareille proposition, à moi ? Prétendre à épouser Mademoiselle de Barjac, lui, ce fils d'un vieux grippe-sou, ce vilain à l'âme étroite, aux idées basses, aussi lâche qu'avare. Je ne sais ce qui m'a empêché d'éclater et de lui dire. Mais les circonstances sont d'une extrême gravité, et je dois soigneusement le ménager, tant que j'aurai besoin de lui. » Fin de la section 15.